Belle journée sur la première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Issam Sartaoui est né à Saint-Jean-d'Acre en 1934. Cette semaine, l'art de l'échange. Médecin. En 1967, la guerre des six jours qui consacre l'hégémonie régionale d'Israël au Proche-Orient va bouleverser et modifier le cours de sa vie. Chef de guerre. Quatre armées arabes ont été battues en 67. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Cela ne nous fait pas peur, car en 67, le peuple n'a pas pu jouer son rôle. Maintenant, c'est le peuple qui joue son rôle au travers de nous, fedayines. Homme de paix. C'était ça qui était terrible. Chaque fois qu'il allait faire des démarches auprès d'autorités, eh bien, quelque part, il y avait la diplomatie officielle palestinienne qui rétropédalait en disant « Non, non, pas du tout, c'est pas lui. » Début avril 1983, à Albufeira, au Portugal. Monsieur Sartaoui était dans le hall de l'hôtel en compagnie de l'ambassadeur de Tanzanie en France et d'un délégué de Chypre lorsque un ou deux hommes sont entrés. Monsieur Sartaoui a été abattu presque à bout portant. Issam Sartaoui. Ce n'est pas la première fois que vous venez au micro d'Histoire vivante. Ben vous savez ce que c'est, les gens ont parfois un peu la mémoire oublieuse. Donc, voulez-vous bien nous refaire les présentations ? Peut-être, puisque vous vous êtes déjà présenté à ce micro, comment vous dessineriez-vous ? D'ailleurs, utiliseriez-vous plutôt le crayon, le noir et blanc, l'aquarelle, une huile ? Je pense pas que je me dessinerais. Ou alors un croquis, peut-être, oui. Un croquis. Bon, enfin, je m'appelle Didier Martini, je suis cinéaste. C'est la troisième fois qu'on se rencontre. La première fois, c'était au téléphone pour le documentaire que j'avais fait « Qui a tué Massoud ?». La deuxième fois, pour « La fin des chrétiens d'Orient ». Et maintenant, pour les Issam Sartaoui et les relations israélo-palestiniennes. N'esquivez pas ma proposition. Je vous y pousse parce que vous fréquentez aussi un petit peu la bande dessinée, donc vous n'êtes pas complètement étranger à cela. Vous avez dit crayon, esquisse ? Alors, finalement, quand on fait de la fiction, aussi bien dans l'écriture des scénarios ou les personnages de bande dessinée, qui ne sont pas nous, bien évidemment, mais qui sont une partie de nous, où tous les personnages sont nous, bien évidemment. Moi, ce que j'aime bien faire, par contre, ce sont des projections dans les dialogues de ce que je pourrais dire, ou très énervé, ou... En situation. Oui, quand on s'enflamme dans un dîner... oui, quand on s'enflamme mal parce qu'on est énervé par un détracteur ou quelqu'un qui dit à nos yeux des sottises que le vin coule, souvent on va trop loin dans le dire. Et à ce moment-là, même si on a un propos brillant et construit, il est annihilé par la forme qui est véhémente. La véhémence est de mauvais ton aujourd'hui. Et ça, je trouve ça assez drôle. Donc j'aime bien la portraiture décalée un peu secrète à travers un personnage finalement qui même si il voilà, c'est plutôt le fait comment arriver à dire des choses justes et mettre des vérités même assez fines sans grandiloquence, et je trouve que le dialogue de la bande dessinée des personnages permet ça. Vous avancez dans mon sens, Didier Martini, je vous en remercie, parce que je voulais vous entendre parler de votre travail, puisque vous faites des déambulations entre le documentaire et la fiction, que ce soit dans la bande dessinée, mais également dans la fiction cinéma. C'est sans doute le hasard des carrières, le hasard du travail qui veut ça, mais c'est peut-être également un certain goût que j'aimerais vous entendre nous décrire. Je pense que c'est un certain goût qui est né assez vite. Finalement, j'ai commencé vraiment par faire des courts-métrages, des moyens-métrages, des longs-métrages dans le cinéma de fiction, ce que je voulais faire. J'ai pas vraiment de, je dis pas que je suis habile particulièrement, mais je n'ai pas vraiment de problème avec mon imagination et à créer des histoires, à inventer des mondes depuis toujours. Par contre, l'ordination, la rigueur d'un documentaire ne m'était pas chose familière. Et quand j'ai fait mon premier documentaire, j'ai été confronté à ça. Confronté au fait de devoir servir une vérité, la trouver, l'avérer, la construire, ne pas se mettre en avant. C'était pas mon propos non plus dans la fiction de me mettre en avant, mais en fiction, on fait ce qu'on veut. On est le créateur de la chose, donc si on veut peindre une pomme en bleu, on peint une pomme en bleu. En documentaire, non. On a un devoir de servir quelque chose, je crois. Et là, le documentaire m'a vraiment beaucoup appris à construire. À construire une histoire, à la rythmer, la fiction aussi, bien sûr, mais d'une certaine manière, j'ai trouvé plus de rigueur dans le travail du documentaire qui m'a servi après pour le montage en fiction. Et également, je crois, un goût de l'histoire. Ah oui, ça, j'ai toujours eu un goût de l'histoire. Enfin, j'ai eu le goût de l'histoire, en fait, vu que j'étais pas un très bon élève, et puis qu'on apprenait l'histoire d'une manière absolument folle, parce qu'on passait des hommes des cavernes aux types en Mésopotamie. Vous étiez, je crois que vous êtes entré de l'année où Jules Ferry a décrété l'école obligatoire. C'est ça, absolument. Voilà. Oui, oui, j'avais déjà 20 ans, bien sûr. Et, c'est ça que moi j'aimais bien, j'aimais beaucoup l'histoire du XXe siècle et principalement quand j'étais adolescent, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui me fascinait. Donc c'est par là que je suis entré vraiment dans l'histoire et que je suis remonté dans des mondes divers. Et puis l'histoire antique, mais vraiment très antique quoi. La Mésopotamie, Sumer, ces mondes-là me fascinaient. L'histoire du Moyen-Orient, comment ça a bougé, etc. Alors j'ai des trous énormes dans ce que je sais de l'histoire que je reconstitue presque par rencontre, je vais dire. Les rois m'ennuyaient un peu, sauf certains, voilà. Je préférais à Alexandre le Grand à Charles X, pour prendre deux écarts. Didier Martini, si on devait définir avec vous ce que c'est que un coup de cœur pour vous, ça fonctionne par quoi? Est-ce que c'est un cocktail qui additionnerait vos passions telles que vous nous les dessinez, ou, et j'enlève le ou et je mets un et, une rencontre, quelque chose sur lequel vous tombez, quelque chose dont on vous parle, quelque chose qui immédiatement se met à rebondir et met en route votre imagination? C'est de l'ordre du désir, c'est l'instinct d'abord, des rencontres qu'on peut faire, ou de ce qu'on trouve, ou de ce qu'on lit, de ce Massoud, qu'on ressent. Par exemple. Massoud, moi, c'était un personnage qui me fascinait depuis longtemps. Et puis, par la rencontre avec un producteur qui voulait faire quelque chose là-dessus, le film s'est fait. Mais le personnage de Massoud me fascinait. Il me fascinait, bon, au-delà de l'icône du guerrier afghan, merveilleux, sur son roc du Panjshir, etc., de la mythologie Massoud, il y a quand même... c'est ça qui m'intéresse aussi, d'ailleurs... chez la plupart des personnages historiques fracassés par l'histoire, que ce soit Massoud ou Sartaoui à des titres différents, c'est la solitude des personnages. C'est souvent des hommes jeunes qui font un choix, un peu avec par les circonstances. Et puis ils sont portés comme ça par les choses, aussi par leur charisme personnel. Et ils vont se fabriquer, s'inventer eux-mêmes. Massoud, jeune, étudiant... voilà, va devenir un chef de guerre, protéger sa région, un stratège militaire. Il va lire général Giap, de Gaulle. Voilà, il y a tout un côté comme ça, totalement seul dans la rocaille afghane, entre 25 ans et 48 ans, je crois, il est mort. Donc c'est 23 ans de sa vie passée, une vie difficile, dangereuse, exaltante mais douloureuse, avec plein de l'histoire à broie les hommes sans cesse, et puis de temps en temps on surfe un peu sur la vague de l'histoire, et il a vraiment compté à un moment donné, à un instant T, il était là, et ça me fascine assez. Alors ça me fascine par l'histoire qu'on peut raconter de ce qu'il a fait et de comment on peut parler au sein de l'Afghanistan, mais l'histoire de l'homme lui-même. D'ailleurs il y a eu beaucoup de livres sur Massoud écrits par des gens qu'il avait connus ou pas, il y en a eu beaucoup parce qu'il est inspirant. Comment travaillez-vous? Est-ce que vous travaillez vite? Est-ce que vous absorbez comme une éponge et que vous avez besoin de mastiquer longtemps avant que quelque chose d'étranger vous appartienne quelque peu? Je dirais qu'il y a d'abord un déclic, une envie qui vient, donc ça c'est très rapide. Et puis après, il faut rentrer dans le travail, il faut construire. Et là, étant atteint aussi d'une paresse endémique, mais il y a une force là-dedans, c'est qu'il y a une angoisse, une anxiété plutôt qui naît. Et c'est par la mise en danger de moi-même que je fais. C'est en me rétractant de ce que je dois faire, en le délaissant quelque peu, soit parce que j'y arrive pas ou parce que je suis pas content exactement de ce que je fais, ou je voudrais être dans l'excellence et j'ai pas l'impression que je le suis. À ce moment-là, je tourne en rond, je m'éloigne et je reviens... dans un moment d'urgence, de totale tension, où là, je pardon du mot, je crache les choses assez vite, en fait. Et le premier jet est souvent le bon. Alors après, il faut un peu, évidemment, réassembler les choses, mais dans les dialogues, c'est ça, par exemple. Très souvent, le premier dialogue, même si on l'affine un petit peu, le premier dialogue est fulgurant dans un truc drôle, par exemple. Quand on commence à penser quelque chose qui vous vient directement, on le détruit, on détruit son jaillissement. Mais ça, vous diriez que c'est un mode de travail que vous appliquez aussi bien dans le domaine du documentaire que celui de la fiction ? Alors c'est différent. Dans le domaine du commentaire, il y a aussi cette espèce d'urgence quand j'écris, etc. Mais il y a un gros travail de recherche. C'est-à-dire, je dévore à ce moment-là, je me fais un devoir d'être un petit peu savant du propos que je vais traiter. Alors, on commence néophyte, puis on finit quand même un peu. On s'en aperçoit à la fin qu'on finit. On est souvent plus pointu que d'autres qui étaient censés l'être sur le sujet qu'on a fait, parce qu'on a fait un trajet, quoi. Et c'est ce trajet qui est fascinant. C'est ça qui est. Ça enrichit énormément. C'est une aventure de faire un film. Vous avez déjà travaillé pas mal, donc dans une carrière, il y a des dossiers qui aboutissent, des dossiers qui n'aboutissent pas. Je sens que vous voyez où je veux en venir. Et parmi les dossiers qui n'ont pas encore abouti, il y a ce dossier d'Issam Sartaoui. Comme on se connaît un peu, je vous ai proposé, ça c'était hors micro, d'essayer de reprendre ce dossier et d'en faire... une présentation radiophonique. C'est ce que l'on entendra à partir de demain, une version radiophonique où vous nous racontez l'histoire d'Issam Sartaoui telle que vous l'avez rédigée. Alors peut-être on peut présenter dans un premier mot ce docteur palestinien en quelques lignes. Je vous lis, entre 1976 et 1983, le docteur palestinien Issam Sartaoui fut l'un des pionniers du rapprochement israélo-palestinien et le premier à explorer les voies de la paix en établissant des relations directes avec les Israéliens. La découverte d'un personnage comme celui-là dans votre histoire, dans votre cursus, à vous, ça fait tilt rapidement. Vous vous dites là, il y a quelque chose, il y a une pépite. Oui, j'étais assez fasciné parce que j'avais vu en son temps, mais j'étais pas très... connaisseur de... Je connaissais bien évidemment le conflit israélo-palestinien, mais j'étais pas très connaisseur de l'histoire des Palestiniens. Et je me souviens d'une couverture de Libération qui disait qu'Issam Sartaoui avait été assassiné au Portugal avec une photo. Dans un hôtel où, curieusement, j'ai en 83 tourné un long métrage dans cet hôtel-là. Il a été assassiné en avril. Moi, j'ai tourné en septembre dans cet hôtel. C'est curieux, hein? Et je me suis intéressé à ce personnage-là parce que j'ai découvert, à la faveur d'un travail que j'ai entrepris entre fin 2002 et printemps 2004, un travail sur essayer de confronter les dialogues entre intellectuels israéliens et palestiniens des deux côtés, sur un questionnaire qui n'était pas sur l'actualité précisément, mais qui était sur des questions de fond. Qu'est-ce que c'est que la terre historique, la paix historique par rapport à la justice historique? La paix n'est pas la justice. C'est deux choses différentes et c'est deux concepts différents qui s'opposent au lieu de se rejoindre très souvent. Et à la faveur de ces entretiens, j'allais de personnage en personnage, d'Israélien qui m'amenait les Palestiniens, je passais des deux côtés. J'ai mieux découvert et mieux appris ce que j'ai appelé les pionniers, des gens comme la figure la plus forte, Issam Sartaoui. Donc cet homme adolescent de Saint-Jean d'Acre, d'une famille palestinienne de Saint-Jean d'Acre, chassé par le premier conflit israélo-palestinien consécutif à la partition fin 47 et guerre de 48-49, qui va se retrouver en Irak, qui va faire ses études de médecine, qui va bénéficier d'une bourse, qui va se retrouver aux États-Unis, qui va réussir ses études, qui va choisir la plus difficile spécialité à l'époque, qui est la cardiologie, qui va finir dans les premiers de sa promotion, qui a même un pontage qui va porter son nom, qui va travailler dans des cliniques tenues souvent par des juifs américains, et ça va très bien se passer, jusqu'au jour où il y a la guerre des six jours, où il est rattrapé par cette interpellation du Palestinien. Par son passeport. Voilà. Oui, mais il était en passe d'avoir, je pense, voilà, il était un grand médecin, il aurait pu avoir la nationalité américaine et avoir une vie, voilà, qu'on imaginait très. Non, voilà. J'entendais la cause palestinienne, oui, la cause. C'est tout d'un coup, voilà, réveillé. Un coup réveillé à ses yeux. Bon, il est arrivé trop tard parce que la guerre a duré, comme on sait, que six jours. Et je me suis intéressé, justement, à cet homme qui, par sa volonté et son travail d'aller vers l'autre, d'essayer de découvrir. Il a découvert que finalement les juifs séfarades qui avaient été chassés ou qui étaient partis des pays du Maghreb et du Mashrek pour rejoindre Israël dans la première décennie de la création de l'État avaient perdu tout, avaient souffert, etc. Et par ces souffrances, il les a rapprochés des souffrances du peuple palestinien et il a pensé qu'il y avait moyen peut-être de parler ou en entendant l'autre, au sens de comprendre, on pouvait peut-être trouver une raison. Et Arafat, qui l'avait rejoint le Fatah par pragmatisme, avec Abou Mazen, qui était aussi très partisan de ce projet, ont développé, mais secrètement à la demande d'Arafat, des contacts comme ça. Et ces contacts sont faits avec les homologues israéliens, très courageux également. Alors on entendra cette histoire à partir de demain, par votre propre bouche. C'est un dossier sur lequel vous avez travaillé pendant un certain temps. Est-ce que, j'essaie de le situer dans les dates, quand vous travaillez dessus, est-ce que les accords d'Oslo ont déjà été... Alors, quand je travaille dessus, la paix a échoué, la conférence de Taba en 2000. Voilà, c'est la conférence de Taba. C'est le moment du pacte de Genève. C'est là où, en gros, 15 dignitaires ou personnalités israéliennes comme palestiniennes se rencontrent et décident en s'entendant pratiquement sur ce qu'est la ligne verte, sur un partage possible. C'était des choses assez concrètes. Il faut continuer, on va y arriver, on était très proche d'y arriver. Et vous choisissez quelle direction de prime abord dans la constitution de votre projet, le documentaire ou la fiction? Alors au départ, je pense au documentaire. Je me dis voilà, il faut faire un documentaire sur la vie de ce personnage et sur fond de ses relations secrètes, aidées par le chancelier autrichien Kreisky de l'époque, par Pierre Mendès France, par l'intellectuel français comme Marie Curiel. Enfin, il y avait tout un faisceau extraordinaire. Et puis je me dis, au bout d'un certain temps, après avoir écrit des dossiers de ce que je recueillais, de ce qui était connu historiquement... C'est que pas mal de vos témoins sont au cimetière, tout de même. Voilà, et qu'il n'y a aucune image. Il n'y a rien. Qui plus est. Quelques images d'émissions de télévision très courtes. Diplomatie secrète, voilà. Donc. Voilà, donc il fallait reconstituer, alors c'est toujours un peu le parent pauvre, le docu-fiction avec des mains, des cigarettes, des verres, des rideaux un peu flous. Bon, on peut faire quelque chose de très beau, je dis pas ça, mais ça me paraissait, donc je me suis dit, bon, il faudrait faire une fiction. Une vraie fiction à la télévision, avec un acteur qui incarnerait Sartaoui et d'autres acteurs qui incarneraient les personnages qui l'entouraient. Alors pour que l'on sache un peu, parce qu'on n'a jamais fait ça encore en 17 ans d'émission d'Histoire vivante, quand un réalisateur se pointe dans le bureau qui pourrait signer le chèque, avec un dossier comme celui-là, vous nous racontez un peu comment les réactions? Écoutez, c'est un petit peu plus laborieux que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais envoyé le travail qui pouvait être un documentaire, mais en disant que ça pouvait être aussi un film de fiction. J'avais l'organigramme serré pour essayer d'avoir un développement afin de faire un scénario qui pouvait se décliner en deux films, par exemple. C'est ce que je pensais de films de 70 minutes ou de films de 90 minutes me paraissait pouvoir avoir le bon poids pour raconter cette histoire. Mais c'était une époque justement où, comme on l'a évoqué, les accords d'Oslo étaient totalement échoués, il y avait des tensions qui étaient reprises, on était au cœur de l'intifada numéro 2, il y avait des attentats, il y avait des exactions, donc évidemment dans ces cas-là, les voix des deux camps s'exacerbent, et c'était très difficile, et là je l'ai senti en France, d'arriver à parler d'un projet comme ça, comme ce que je faisais parallèlement, un film que j'avais appelé, que j'ai pas réussi à finaliser d'ailleurs non plus, L'homme derrière l'ennemi, à quel moment on cesse de voir l'homme devant l'ennemi pour voir l'homme derrière l'ennemi, sur ces dialogues de Palestiniens et d'Israéliens qui étaient pas du tout des bénis oui-oui de la paix, des gens extrêmement fermes et qui comprenaient que la situation, qu'il n'y avait pas d'autre solution que une séparation et s'asseoir à la table. Voilà. Ouais. Et c'est toujours le cas, je crois, aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble. C'est un vrai problème parce que déjà, Yahshua Leibovitz, le philosophe, le disait, il n'y a pas trois solutions, il n'y a, a que cette solution. Que la partition, voilà, coupe réglée. Et ça, on est loin de ça. Aujourd'hui, on parle d'annexion, on parle de... Les Palestiniens disent, non, on ne veut pas un autre État, très bien, qu'on devienne israélien, on aura un passeport israélien, on pourra voyager, on sera plus enfermé comme on est. Puis de toute façon, démographiquement, les choses changeront dans 10-15 ans. Mais dans la nouvelle donne, il semblerait que démographiquement, ça change en faveur des Israéliens, parce que comme il y a une masse arrivante chaque fois de juifs plutôt religieux, favorisés par des fonds, des évangélistes qui, bon, il y a toute une histoire derrière, ça serait trop long à expliquer, font que peut-être le différentiel démographique sera en faveur, justement, d'Israël. Donc, ça pose un vrai problème, et à mon avis, c'est bloqué. Donc, c'est dans les moments où c'est bloqué, peut-être faut évoquer des personnages comme ça, que, à une époque où c'était interdit pour un membre de l'OLP de fréquenter ou d'avoir le moindre contact avec un Israélien du gouvernement. C'était l'exécution. Et de l'autre côté, c'était la prison. Donc ces hommes-là ont eu beaucoup de courage, surtout du côté palestinien. Ils sont tous d'ailleurs été assassinés. Nous entendrons également cette semaine un homme, grâce à vous, Didier Martini, un journaliste, qui a écrit sur Hissam Sartaoui. Voulez-vous bien le présenter ? Alors c'est Pierre Bell, qui était journaliste, qui était en poste au Moyen-Orient pendant pas mal de temps, et qui, lui, avait fait une enquête en son temps sur les relations secrètes israélo-palestiniennes, et qui avait interviewé Hissam Sartaoui. Donc je m'appelle Pierre Bell, et dans les années 80, j'étais correspondant régional à Beyrouth pour l'agence France Presse. Donc j'étais adjoint d'un grand bureau régional. Et à ce titre, j'ai passé 3 ans très mouvementés, très denses et très riches, parce que c'était des pages d'histoire, avec la guerre Irak-Iran, la guerre entre les forces libanaises et l'armée syrienne dans la BKA, la première invasion israélienne au sud du Liban en 81, et puis la seconde en 82. Et j'ai quitté Beyrouth après Shatila et après le déploiement de la deuxième force multinationale. Et c'est à la suite de ça, à mon retour à Paris, que j'ai eu envie de faire un livre qui soit pas un livre de journaliste. Il y avait déjà eu des témoignages sur le siège de Beyrouth, j'avais pas envie d'en rajouter un autre. Et surtout, j'avais pas envie de raconter mes mémoires et de raconter mes guerres. J'avais envie de faire des recherches sur les Palestiniens, parce que j'en avais gros sur le cœur de les avoir vus partir, quitter Beyrouth et disparaître dans la nature. Et donc j'ai été conseillé par des amis, notamment un ami palestinien, Afif Safier, qui était un conseiller d'Arafat, qui avait été envoyé comme diplomate de l'OLP à Paris, et qui m'a mis en contact avec un personnage étonnant qui était Hissam Sartaoui. Et là, Hissam Sartaoui m'a accueilli. C'était lui le pilote des premières discussions, c'était pas des négociations, mais des discussions entre l'OLP et les Israéliens. Il m'a ouvert sa porte, il m'a ouvert ses archives, et j'ai tiré un fil et j'ai vécu un moment passionnant. Comment définiriez-vous l'homme que vous avez rencontré ? C'était un homme historique, si je peux dire. J'avais rencontré beaucoup de Palestiniens de niveaux très différents. Il y en a qui m'impressionnaient. Arafat n'est pas celui qui m'impressionnait le plus. J'avais trouvé Abash et Hawatmé très intéressants comme personnalité. Mais je dirais que les réunions du Conseil national palestinien, leur parlement, il y avait beaucoup de notables. Et j'ai découvert chez Sartaoui d'abord un businessman avisé. Il avait été cardiochirurgien, il avait réussi brillamment aux États-Unis, et il était parti ensuite faire la guerre pour sa cause en revenant Proche-Orient. J'ai découvert un chef de guerre, un type carré avec une grosse voix rocailleuse qui donnait des ordres, qui était carré dans tout ce qu'il disait. Et puis j'ai découvert aussi un visionnaire, parce que il était parfaitement conscient que le combat qu'il menait, et qu'il menait en solitaire, parce que il était envoyé en franc-tireur, risquait de se terminer très mal. Et grâce à ça, grâce à cette perception qu'il avait de la fragilité de son existence, il m'a poussé dans mes recherches, il a multiplié les entretiens en me disant « il faut qu'on se dépêche, je ne sais pas combien de temps je vais rester encore là ». Pierre Mel, à votre sens, sachant que l'homme dont nous parlons est à ce moment-là aux abois, et la plupart du temps porteur d'une arme pour sa propre défense, qu'il a déjà auparavant porté des armes pour porter des attaques contre les Israéliens, qu'est-ce qui fait qu'il vous fait confiance? On peut imaginer que c'est un homme qui va être prudent dans ses relations. Qu'est-ce qui, selon vous, a réussi à ce qu'il s'ouvre à vous? Alors, ça n'a rien d'un privilège. En réalité, il faut pas confondre, il n'était pas aux abois. Il était solitaire, il était mandaté par Arafat pour ouvrir des portes, mais il savait très bien qu'Arafat ne le couvrait qu'à moitié. Et c'était un peu comme franc-tireur qu'il agissait, mais il agissait en connaissance de cause, et il n'était pas du tout le clandestin. J'ai connu d'autres clandestins, j'ai connu des gens qui faisaient très attention, dont Maxime Guilan, qui m'a beaucoup donné aussi, dont je pourrais parler après, qui était un type passionnant, qui était un Israélien, un intellectuel qui était en exil, mais qui vivait en semi-clandestinité. Sartaoui n'était clandestin que par le fait qu'il n'était pas le représentant officiel de l'ELP à Paris, mais tout le monde le connaissait, il multipliait les interviews, il multipliait les risques, et il s'efforçait de laisser des empreintes partout parce qu'il voulait que sa voix porte. Donc il n'était pas aux abois, c'était il fonçait, il avançait, et il voulait avancer le plus possible pour faire avancer sa cause et pour susciter un débat d'idées. Et donc c'était passionnant parce que c'était un vrai combattant. Donc son arme à lui, c'était plus le pistolet. Du reste, son gilet pare-balles, il le laissait sur le lit, c'était pas son sujet. Son arme à lui, c'était les micros. Pierre Bell, vous parlez des archives que vous ouvre Issam Sartaoui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça représente, ces archives? Là aussi, c'est amusant parce que c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est pas des dossiers secrets. Ça n'est ni une antenne diplomatique, ni une antenne des services de renseignement. C'est beaucoup plus une compilation de tous les dossiers de presse, alors à la fois ses interviews, ses déclarations, mais toutes les déclarations, les interviews des intellectuels qui allaient dans le même sens, qu'ils soient palestiniens ou arabes en général, ou israéliens, ou progressistes, parce qu'il y avait aussi des Français, il y avait l'international socialiste. Donc il a fait un énorme travail de compilation, et c'est ce travail qu'il essayait au contraire de publiciser. Donc c'était tout sauf des archives secrètes. Et le paradoxe, c'est que quand il a été assassiné à Albufeira, après sa mort, l'OLP a fermé son bureau, son appartement, a emmené toutes les archives, a fait disparaître tout ça, et que pour moi, il n'y avait rien de fondamentalement secret. Alors peut-être qu'il y avait ces archives de comptabilité, où il y avait des choses à ne pas dévoiler, mais pour le reste, ce que moi j'ai pu voir, c'était des choses qui étaient publiques. C'était un homme public, c'était d'abord un homme public. On vous retrouve demain, Didier Martini, vous serez notre conteur pour nous raconter l'histoire de ce docteur palestinien Issam Sartaoui. Je rappelle les dates, la fréquence est entre 1976 et la date de son assassinat, 1983, une forme d'adaptation radiophonique de votre projet qui sait, peut-être rebondir. Je vous vois tendre le bras, le doigt, mais je vous en prie. Il y a chez Issam Sartaoui la même chose, c'est-à-dire un homme qui est totalement seul, qui vit avec sa solitude, qui est loin de sa famille, évidemment, c'est compliqué, qui est un combattant de la paix. Et généralement, l'histoire broie les hommes, et de temps en temps, il y en a qui arrivent à surfer comme ça sur la vague et peser. Ça a été son cas à un tout petit moment, et puis l'histoire l'a repris. Et ça, c'est, je trouve que, indépendamment de l'histoire dans laquelle il s'inscrit, le trajet personnel fracassé par... Le contexte me paraît très beau à raconter. À demain. Merci.